Chanter pour se dessiner un monde. C'est pas si loin le temps où je m'en allais errer. Pour sentir des mélodies qui m'inondaient d'espoir. Je chantais pour oublier. Ta vie dans l'ombre, tu me regardes dans les yeux. Me prends par la main et me souris enfin. Un geste, tu m'apaises, me réchauffe un peu. Je suis bien, mais est-ce vraiment ce que je veux? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Quel est ce monde où tu m'emmènes? Et je revois le cours de ma vie. Je crains que rien ne soit plus pareil. Mes illusions, glorifiées derrière les murs d'une prison dorée, mais garder l'envie, vivre ma passion. Ça sépare un écran de télévision. Sorti de l'ombre, je te regarde dans les yeux et je te sens si fragile dans ton château d'argile. Tu menaces, disparaît un peu, ainsi soit-il. Car c'est vraiment ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Quel est ce monde où tu m'emmènes? Et je revois le cours de ma vie. Je crains que rien ne soit plus pareil. De ma vie, je crains que rien ne soit plus pareil.